Est-ce que vous aimez le dab ici? Yes. Give me the rhythm. Faites du bruit. Ça vous plaît ou quoi? We'll be right back. Merci. Je voudrais qu'on fasse un gros big up au 8e musicien qui se trouve juste au fond, qui s'appelle Alex Quentin. Merci à lui.